La dernière supernova, un roman de Éric Simon. Décembre 2027. Le motif n'était pas indiqué sur la convocation. Craig avait rendez-vous à 14h dans le bureau de Frédéric Fournier. Il arriva une minute avant, juste le temps de dire à l'assistante qu'il était là, et elle le fit entrer dans la vaste pièce tapissée d'une épaisse moquette, comme il n'en existait plus depuis longtemps. Le ciel gris semblait emplir l'espace à travers la grande baie vitrée à laquelle le responsable de la mission tournait le dos. Il leva les yeux vers Craig en l'invitant à s'asseoir en face de lui. Peut-être vous demandez-vous la raison de cette convocation, ou peut-être pas. Je vais en venir tout de suite au fait. Nous avons détecté une tentative de déstabilisation vous concernant. Celle-ci a eu lieu le mercredi 24 novembre dernier. Vous avez, semble-t-il, montré un comportement qui nous a été signalé comme suspect, avec une volonté affichée de vous séparer volontairement de votre escorte. Une première fois dans la rue à Hoboken, New Jersey, où vous résidiez durant votre semaine de congé, puis une seconde fois alors que votre escorte vous avait retrouvé dans un bar où vous vous êtes isolé avec une femme dans la foule d'un concert. Une certaine Cathy. Brune, la trentaine, plutôt jolie, avec un léger accent étranger non identifié. Qu'avez-vous à me dire à ce sujet, monsieur March? Craig avait écouté l'introduction au pas de charge de Fournier tout en cherchant le meilleur alibi possible. Il hésita brièvement entre la vérité et la fiction, puis il choisit. Vous savez, notre protection rapprochée est parfois difficile à supporter, hein. C'est vrai que j'ai tenté de semer mon escorte. Ouais, c'est vrai. J'en ai eu un peu marre de cette présence continuelle. Alors je l'ai semée et je me suis retrouvé au Maxwell's Tavern, un de mes bars préférés quand je vais chez mes parents. Et là, par hasard, j'ai rencontré une vieille amie, ou du moins plus exactement, la sœur d'une bonne amie à moi. Allison, c'est ça? Allison comment, en fait? Qu'est-ce que cela peut vous faire de connaître le nom de mes amis d'enfance? Commença à s'insurger Craig. Je vous rappelle que la protection de nos astronautes est quelque chose de crucial pour nous. Si je vous demande ces renseignements, c'est pour votre sécurité et pour la nôtre. Votre escorte vous a aperçu parler de manière inhabituelle avec cette Cathy durant ce concert. Est-ce que cette femme vous a raconté des choses qui ont un rapport avec votre activité, ou a-t-elle cherché à obtenir des informations de votre part? Répondez-moi. Je tiens à vous dire que notre entretien est filmé et pourra être analysé par des spécialistes. Ne cherchez pas à cacher les choses, ce serait inutile. Craig n'avait heureusement pas complètement inventé les prénoms qu'il avait utilisés ce jour-là. Les sœurs Kate et Ally Springs existaient bel et bien. Elles avaient longtemps habité une maison voisine de la leur, mais il était bien sûr faux qu'Ally ait été sa copine à l'époque et Kate ne ressemblait pas tout à fait à Christina Voldoni. Cathy ne m'a parlé que des projets qu'elle est en train de mener à bien. Elle s'est mise à m'expliquer dans les détails le business qu'elle essaye de monter pour fournir un service d'aide à l'innovation aux petites entreprises. Elle m'a montré le site internet qu'elle a conçu toute seule, ainsi que des exemples de ce qu'elle offrirait dès que sa société serait enregistrée. Je sais que ça peut paraître bizarre de parler de ce genre de choses en regardant en même temps un concert de rock. Mais le groupe était vraiment bon et je ne voulais pas retourner aux tables pour discuter. Je voulais écouter le groupe jusqu'à la fin. Elle insistait pour me montrer des exemples de ce qu'elle savait faire. Oh, c'était intéressant, mais c'est sûr, mais bon, j'avoue que ça me passait un peu au-dessus. Craig avait encore une fois fait preuve de son talent d'acteur avec une redoutable efficacité. Frédéric Fournier semblait moins remonté qu'au début de l'entretien. Puis il se redressa soudain sur son fauteuil et lança « Vous saviez que cette Cathy, avec laquelle vous avez longuement parlé, a quitté Hoboken pour New York aussitôt après que vous l'avez laissée? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'elle passe la journée de Thanksgiving à Manhattan au lieu d'être chez ses vieux parents à Hoboken? Vous l'avez suivie? Malheureusement, pas assez. Ils ont perdu sa trace bêtement dans le métro le lendemain midi. » Elle a passé la nuit dans un hôtel un peu minable, si vous voulez savoir. Qu'est-ce que vous en dites? Craig sentit le piège. Il ne fallait absolument pas essayer de broder sur ce que venait de lui dire Fournier. Ça pourrait être du vent et pourrait immédiatement le trahir. Oh, mais je n'ai rien à dire là-dessus, moi. Elle fait ce qu'elle veut. Elle m'a rien dit sur ce qu'elle ferait le lendemain. Désolé de vous décevoir. Craig montrait son plus beau sourire. Bon, tout ce que je peux espérer pour vous, c'est que vous dites la vérité, reprit Fournier. Quoi qu'il en soit, je dois vous avertir que nous avons renforcé votre protection. Inutile de vous dire que si nous constatons le moindre écart dans votre comportement par rapport à ce que nous attendons de nos astronautes, vous serez sanctionné. Vous connaissez le type de sanction qui peut vous attendre sans que je vous fasse un dessin. Bien sûr, monsieur. Je comprends tout à fait. Ne vous inquiétez pas, cela ne se reproduira pas. Je peux vous l'assurer. Bon, très bien. Allez, je vous libère, monsieur March. Qu'est-ce qu'il te voulait ? Oh, ça craint, c'est une sorte d'avertissement. L'escorte que j'avais durant Thanksgiving a fait un signalement, le salaud. Je le sentais mal, ce type, dès le départ. Il n'a pas aimé ma tentative de le semer. En plus, j'y suis même pas arrivé. Et après, comme il nous a vu causer pendant le concert, il a balancé. Heureusement qu'il n'a rien entendu ni vu de ce que Voldoni m'a montré. Craig et Erin couraient côte à côte sur le chemin qui faisait le tour du parc. « Et alors ?» fit Erin en soufflant. « Eh ben, Fournier a essayé de savoir qui elle était. Le barbouze a dû la décrire dans son rapport, j'imagine. Parce que Fournier savait à quoi elle ressemblait, et tout ce qu'on s'était dit avant le concert. On dirait qu'il est parano, hein, Fournier. Hein. En fait, si on ne voulait pas croire à ce que nous disent Voldoni et son acolyte, cette parano ambiante nous y forcerait presque. Hein. » « Bon alors, tu en penses quoi au final de tout ça ?» inspira Erin. « Au début, tu sais, je n'osais pas y croire. Et au fur et à mesure qu'elle m'expliquait les choses, j'étais de plus en plus convaincu. Hein. Et je peux te dire qu'après ce que vient de me dire Fournier, je le suis encore plus. Au fait, tu sais quoi ? Il m'a dit que je suis surveillé maintenant. Enfin, je suis mieux protégé. » Ça veut dire que je peux plus faire trop de choses qui sortent de l'ordinaire, sinon, sanction. Bon, heureusement que toi tu peux, hein. T'es toujours partante. Ouais, tu sais, moi non plus, hein, je n'y croyais pas. C'était tellement gros. Mais après, j'ai lu tout ce que Tom Hooper m'a transmis, et j'avoue que c'est bluffant. Il y a des tas de choses qui ne nous ont jamais été dites sur cette supernova. C'est pas qu'elles ne nous ont pas été dites, hein, c'est qu'elles nous ont été cachées intentionnellement. Et on nous filtre les informations. Tu sais, j'ai compris pourquoi j'avais tant de mal à trouver des infos pertinentes sur certaines questions. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Ah, de toute façon, si on nous cache ces choses à ce point, c'est parce que si on les connaissait, ça serait problématique pour eux. La seule intention prouve la véracité de ces informations, continua Erin. Il faut réagir, on peut pas continuer comme ça. Comme Voldoni le dit, il ne faut évidemment pas tout saboter, mais juste faire en sorte de reporter le lancement de 6 mois, histoire de laisser arriver ces rayons cosmiques, et on voit après. « Et comment tu comptes faire ?» interrogea Erin. « Ah, je crois qu'il va falloir qu'on réussisse à convaincre Jessica, Michel, Ivo et Pedro d'abord, et aussi ton équipage à toi. Il faudrait que les deux équipages disent brutalement « Non, on ne veut pas partir maintenant, c'est trop risqué !» Mais tu vois, il faudrait que ça se fasse pas trop tôt. Là, il est encore trop tôt. Non, il faudrait que ça se fasse très peu de temps avant le lancement, histoire de les prendre par surprise, tu vois, de les laisser au pied du mur. « Eh, en fait, j'ai même mieux !» ajouta Erin. « Il faudrait que le premier équipage, ou au moins 3 ou 4 sur vous 5, refuse de partir, genre 3 jours avant, et ils seraient alors certainement remplacés par leur doublure du deuxième équipage, et eux, ils pourraient à leur tour refuser, la veille ou le jour même du lancement, tu vois. » Est-ce que tu crois que le remplacement au 3e rang a vraiment été prévu en haut lieu ? Se demanda Erin. Ah, je ne sais pas ce qui est prévu dans ce cas-là, mais ça veut dire qu'il faut forcément convaincre 3 d'entre nous et leur doublure. Bah, on a déjà toi et moi, donc les premiers à travailler au corps, ça sera Irvin et Jessica, c'est clair. Si on a déjà 2 couples qui font défaut, je crois pas qu'ils restent sans rien dire. Faudra quand même assurer le coup et essayer d'en convaincre le maximum, y compris dans le 3e équipage, voire peut-être le 4e. Et puis dans tous les cas, il faudrait aussi que ce soit médiatisé pour avoir un vrai impact et pouvoir exprimer le pourquoi on refuse de partir à cette date-là. Ça, c'est une autre paire de manches, dit Craig. Mais je compte bien sur les scientifiques de Voldoni pour venir nous épauler, hein, si on fait ça. Bon, on est début décembre, disons qu'on peut se fixer 6 mois pour y arriver. Si on s'organise bien et qu'on travaille un argumentaire béton, en rassemblant des preuves internes en plus de celles que nous ont données Voldoni et Hooper, ça peut fonctionner, j'en suis sûr. Après, on n'a plus qu'à se faire tous gentiment oublier pendant un an, et ensuite, paf ! Ouais, 6 mois pour convaincre au moins 13 personnes. C'est pas débile, hein, 2 semaines par tête. 2 semaines pour convaincre, souriait Erin en s'épongeant le front avec la manche de son survêtement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on aura convaincu plusieurs personnes, ils nous aideront à convaincre les autres, et ça devrait être de plus en plus facile. « Je préférerais commencer par Jessica. Ça te va ?» proposa Erin. « Comme tu veux. N'oublie pas qu'il faut rester discret et y aller doucement. Il ne faudrait pas qu'une forme de suspicion remonte en haut lieu. »